Les messages et lettres de félicitations parvenus à l'occasion de la Journée du Soleil témoignent la vénération infinie de l'humanité progressiste du monde envers le président Kim Il-sung. Le président du Conseil central du Parti politique de la République populaire unie, Kirghizel, a dit que le président Kim Il-sung était le plus éminent leader du XXe siècle. Le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, a affirmé qu'il a créé l'exemple mondial dans la lutte pour la cause d'émancipation des masses populaires. Alors que le secrétaire général du comité central du Parti populaire socialiste du Mexique a qualifié Kim Il-sung de vétéran de la politique mondiale et de grand leader qui s'est consacré entièrement pour le bonheur du peuple, le progrès du pays, la réunification pacifique coréenne, ainsi que la paix et la stabilité dans le monde. Le secrétaire général de la Société d'études européennes des idées du Juche a écrit que les exploits exceptionnels du président coréen pour la révolution coréenne et le développement du mouvement socialiste international brilleront à jamais, alors que l'administrateur général adjoint d'honneur du Conseil du Fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il, a souligné que l'humanité progressiste du monde a la gloire, la fierté et le bonheur suprême d'avoir le président Kim Il-sung respecté de par le monde entier comme maître éternel de l'humanité et soleil affectueux.